ça va trop vite. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Je sens le désir. Oh, oh, oh, oh. Entre nous deux, c'est step by step. Le meilleur reste à venir step by step. Entre nous, ça fait one, two, step. Fais monter la cadence du one, two, step. Courbe de mon cœur te fera changer d'avis. Je sais ce qui fait plaisir à mon baby baby. Je le connais par cœur, c'est moi sa lady lady. J'veux que tu sois mon ami.